Ce qui nous amène à nous retrouver avec Pierre. Bonsoir. Bonsoir Pierre, qui nous a préparé une petite séquence musicale. Oui, un peu comme celle que je prépare dans le cadre de l'émission Cool Strings avec Eric Lenard, une petite séquence 3D, donc trois morceaux pour illustrer la thématique d'Halloween, mais en dehors du cinéma évidemment. Effectivement. Voilà. Et tu as amené plein de choses que je ne connais pas. Ah, mais c'est de la Dark Drum and Bass. De la Dark Drum and Bass. Ça a l'air terrible, hein? Oui, c'est chouette, c'est chouette. On va commencer avec Source Direct, des petits protégés de Goldie, qui ont démarré avec des morceaux sur les compilations Metalheads, à qui Arte avait consacré une petite émission de nuit. Ça m'avait passionné, parce que ce sont deux British qui n'ont l'air de rien, tout propre sur eux, très BCBG, mais qui sont obsédés par les démons et la déliquescence de Londres. Ah oui? Oui. Rien alors, que ça. Ils expérimentent la musique d'une façon que j'adore, c'est-à-dire qu'ils aiment entrer dans un état narcoleptique, prendre des médicaments, etc., faire des expériences sur le sommeil et composer dans différents états possibles et imaginables, quoi. Soit très euphorique, soit très fatigué. Et les résultats sont vraiment surprenants, comme quoi... Des gens bien propres sur eux, mais avec un cerveau complètement liquide. Ah oui, ravagé, ravagé. C'est terrible. Alors, leur première plaque sortie sur le label Science, division de Virgin, s'intitule Exorcise the Demons. Et moi, je vous propose d'écouter Capital D, donc le D majuscule qui fait référence à la mort, la grande faucheuse Death. Ah, ah, ah, ah. Eh bien, on peut dire qu'on fait dans le guet pour ce premier morceau, Pierre. Ah, j'avais annoncé la couleur. Ah, hein. Dark, c'est dark. Voilà, hein. Source Direct avec un extrait d'Exorcise the Demons, leur première plaque. Nous écoutions Capital D. Est-ce qu'ils vont vraiment exorciser le démon avec ça? Ce ne serait pas plutôt une manière de le faire revenir parmi nous? Bah, c'est évident. Hein. Il y a un peu de ça, oui. Hein, je pense. Oui, non, non, c'est pas une cure, c'est au contraire. Exactement. Voilà, maintenant je vous propose de passer en Allemagne, dire un petit bonjour à Heinrich at Art. Heinrich. Heinrich, tu oui. Tu sais que Heinrich, c'est le nom du lion dans Madagascar. Ah, j'ignorais. Ah oui, oui, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est... Quelque chose me dit que ça ne va rien avoir de Ah non, moi je ne crois pas qu'il aime bien Disney, non. Richard Hart. Lui, son obsession, c'est les films genre Classe 84, The Warriors, Exterminator 1 et 2... Des trucs limite fascisants où ça tue beaucoup. Ouais, des Disney, quoi. Voilà, j'aime beaucoup ça aussi, hein, je le reconnais. Voilà, chacun ses travers. Alors, il va chercher des samples dans les films de ses héros, hein, les films de James Glickenhaus, Mark Butzman, etc. On l'entend tout de suite. Mais bon, il a des problèmes, évidemment, du coup, hein, puisqu'il fait ça en toute illégalité. Donc, ah, moi, ça j'ai ne va plus pas, ça. De nouvelles du bonhomme. Voilà, c'est ça. J'ai un album dans ma collection... sur le label Position Chrome, une division de 4Sciency. Un album sans titre, 8 morceaux, 70 minutes. C'est très très dark, différentes ambiances. Ça va du dub, drum and bass, musique plus ambient. Voilà, ici je vous propose Ma City. Et donc si ça se tombe, le garçon, en fait, on n'a plus de ses nouvelles parce qu'il est peut-être en prison. Je n'en sais rien. D'accord. Il n'y a aucune information sur Internet qui circule. Eh bien c'est terrible, on va donc écouter ce morceau pour... Regardez un peu parmi nous. Oui. Peut-être que c'est devenu lui aussi un ectoplasme. Mais Heinrich, si que deviens-tu? Heinrich frappe des coups. Ah, si vous aimez les Vigilant Movies comme moi, ça doit vous rappeler des souvenirs, tout ça. C'était Heinrich at Art avec un extrait de son premier album et à mon sens unique album. Un album sans titre, éponyme, paru sur le label Position Chrome. Et quand même assez électro, hein. Oui, oui. Tchic tchic boum boum un peu quand même. Mais c'est bien. Mm-hmm, sympa. Oui, oui, sympa, oui. Très underground. Poursuivre, Fotek. Fotek des compagnons de label de Source Direct, puisqu'ils sont sur Science, subdivision de Virgin Records. Connu du grand public, Fotek, parce qu'il a remixé Therapy, Your Bad Is Loose, tout le monde s'en souvient. Mais sinon, le bonhomme a fait d'autres choses hein, dans la suite de sa carrière. Enfin, essentiellement, on retiendra ses expérimentations drum and bass, très mathématiques, très carrées, très beaux sons, très bien produits. Et je vous propose ici Night Vision, extrait de son album Forms and Function. Très très belle pochette d'ailleurs, cet album. Très minimaliste, on dirait du Peter Saville. Hein. Oui, ouais, ouais, le design, ça fait très beau house hein, comme ça. Oui, c'est ça, voilà.